Salut Charline. Je suis joie. On reçoit un citoyen engagé. Ah oui, c'est rare. Quelqu'un qui a un travail. Pardon. Bah, il est engagé, il a un emploi et c'est en France. Mais non. Engagé politiquement, Alex. On va changer le monde. Bah, disons qu'avec lui, on a plus de chances de changer le monde qu'avec Pascal Obispo. Ah, c'est pas Pascal Obispo, non, du coup. Non, c'est Alexandre Jardin. Ah, super. Et il a monté un mouvement citoyen qui s'appelle Les Zèbres. Ah bon, et c'est quelle couleur? Bah, noir et blanc. Non, mais pas quelle couleur le zèbre. C'est quelle couleur politique? Mais non, mais justement, c'est pour s'éloigner du politique. Oui, mais c'est là. Un zèbre, c'est quand même justement quelqu'un qui a pas su choisir vraiment entre le noir et le blanc. Mais qui avance quand même. Oui, quand même. Mais il aurait pu choisir un autre animal. Par exemple, la fourmi. Bernard Werber, il va demander des droits d'auteur. Le castor, ça construit. Ou le rhinocéros. C'est UNESCO qui va demander des droits d'auteur. C'est pénible. Tchekhov, il est mort depuis longtemps. Il pourrait prendre la mouette. Ah, c'est joli une mouette. Mais ça te chie sur la tête. Ah oui, ça nous éloigne pas trop des politiques. Quel animal pourrait bien représenter le citoyen français? Le paresseux. Ah non. Si, c'est intelligent, c'est comme un singe, mais ça en se coupe à une. Justement, lui, il veut faire bouger les choses. Il aime la chose publique. Voilà, en tout cas, il a envie de l'aimer. Ça ah, se sent, voilà. On aurait dû inviter Pascal Obispo. Mais pourquoi? Parce qu'il donne l'envie. Et surtout le zèbre, ça ne chante pas. C'est l'avantage. Bonjour la France Inter, bonjour à tous les zèbres. Vous écoutez l'émission qui s'engage avec conviction pour survoler, non pas très haut mais très loin, l'actualité. Et voici les trois informations qui vont avoir l'air toutes petites jusqu'à 18h. Il manque un ministère à ce gouvernement, le ministère de la défiance nationale. Défiance envers les politiques, les experts, les patrons ou les corps intermédiaires, bref. C'est sûr qu'au midi, c'est un peu vachement la faute à la société. Le maire de Grande-Synthe a permis l'ouverture d'un camp humanitaire aux normes pour les réfugiés contre l'avis du gouvernement qui lui a répondu. Était-il vraiment impossible d'agir autrement que tel que tu aurais pu le faire autrement? La Corée du Sud est pourvue d'un ministère de la réunification qui travaille depuis 35 ans. Il faut dire que la réponse de Kim Jong-un est toujours la même envers Séoul. Toi, tu commences à me baver sur les rouleaux. Et moi, je suis accompagnée de celui qui les rouleaux les met dans ses cheveux pour avoir de jolies boucles. C'est Alex Vizorek. Bonjour Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, le 5 majeur, puisqu'à 17h20... Celui qu'on n'appelle pas le zèbre, mais on l'appelle l'étalon d'Erevan. Bonjour André Manoukian. Vous me flattez, bonjour Alex, bonjour Charline. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire d'amour entre un pianiste et une chanteuse. Elle s'appelle Lou Tavano. C'est chaud. Et lui, c'est pas vous. Non. Ah, d'accord, désolé. À 17h30, celui qui, s'il avait un zèbre en face de lui, aurait beaucoup de questions à lui poser, notamment sur sa relation avec le caméléon. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline, bonjour à tous. Alors moi, aujourd'hui, j'ai contacté les soutiens français de Donald Trump. Et oui, ils existent. Et oui. On a parlé des migrants qui fuient la Syrie. C'est pas pour paraphraser Patrick Juvet, mais on peut même se demander où sont les femmes. Voilà, on va parler de Donald Trump et Patrick Juvet. On va bien rigoler. Et à 17h40, la femme est là. Celle pour qui je chevaucherai un zèbre à main nue pour l'emmener dans la brousse tel Tarzan et Jane. Sauf que je le sais, même au fond de la brousse, même si j'étais Tarzan, elle me laisserait avec Cheetah. Bonjour Clara Dupont-Monod. Bonjour Alex. Mais ça serait mieux. Si ça se trouve, c'est mieux Cheetah. En tout cas, Cheetah est plus souriant. De quoi on va parler? Eh bien, c'est une belle histoire d'amour. Très bien. Comme Manoukian, mais pas. Non, attendez, entre la littérature et les personnages fous. Peut-être un lien avec le référent. Si tu écoutes J'annule tout est sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. Hashtag annule tout. Et aujourd'hui, le référent de la République qui préside cette émission est né sous un tout gros zèbre, De Gaulle. Vous recevez le prix du premier roman à 20 ans pour Bi en tête quand Charles Pasqua inaugure. Il innove même l'expulsion par charter en renvoyant 101 Maliens. Belle idée. Vous recevez le prix Femina pour le zèbre en 88 quand en France le Sphinx Mitterrand inaugure la pyramide du Louvre et vous créez l'association Lire et faire lire en 99 quand José Bové déconstruit lui le McDo de Millau. Et vous êtes, je vous laisse vous le dire, vous êtes. Votre nom est prénom. Ah, mais il ressemble vachement à. C'est l'écrivain. C'est le mec. Mais c'est les rayures là. Ouais, oui, ouais. C'est ça. Qui ça peut être? Alexandre Jardin. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes. j'annule tout. Et nous venons de vivre un moment de radio parce que Alexandre Jardin muet, ça n'était jamais arrivé. Je suis KO, je me suis levé à 5h du matin. Justement. J'ai passé une journée de fou. Eh ben vous allez nous raconter allez plutôt votre soirée. Parce que, tiens, je signale que laissez-nous faire le manifeste hein, aux actes citoyens. Laissez-nous faire, on a déjà commencé. Alexandre Jardin sort en poche. Et donc, on va parler du mouvement bleu, blanc, zèbre qu'on peut retrouver sur bleublanzèbre.fr, qui n'est donc pas, comme vous dites, un think tank, mais un do tank. Do it yourself, faites-le vous-même, chers citoyens. Et hier soir, vous étiez en réunion. Alors, il faut savoir que vous sillonnez la France, parce que ce mouvement de citoyens ne naît pas à Paris, mais il naît de toute la France. Et vous étiez, par exemple, hier soir, du côté de Perpignan. Alors, quelle est la remontée de terrain? Quelles sont les idées? Qui avez-vous vu? Comment ça s'est passé? Vous déboulez dans une salle, vous ne comprenez pas pourquoi 200 personnes ont appliqué avec des solutions pour réparer le pays. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on vit ça. On fait des réunions, on fait ce qu'on appelle des cafés de zèbres. Vous vous pointez et vous tombez sur des associations, des entrepreneurs, des élus locaux qui viennent expliquer ce qu'ils savent faire. Quelle fracture ils savent réparer. Vous tombez, par exemple, hier soir à Perpignan, sur un garçon, Hervé Le Gall, qui a monté une page Facebook qui fait le boulot de Pôle emploi. Il le fait par plaisir, par bonheur, par joie, pour ne plus être tout seul dans la vie. Et il a mis en place des procédures, des méthodes. Avec des, ça se termine au café. Quand vous dites ce gars de Pôle emploi, il trouve du travail pour personne. Comment il fait? Ce Hervé Le Gall, par exemple, il a trouvé du boulot pour 140 personnes. Ah oui. Donc, quand vous avez un Hervé Le Gall qui modélise, en fait, sans s'en rendre compte, il le fait comme ça, en poussant sa boule de neige, qui grossit. Attendez, mais comment il fait? Il a du réseau? Il est quoi à la base? Au départ, pas du tout. C'est quelqu'un qui est commercial dans des centres commerciaux. Il fait de l'animation à mi-temps. Et par passion, parce qu'il était au chômage, parce que ça l'a touché lui-même, il s'est mis à se bouger le cul. Et en fait, toute cette France qui se bouge le cul, elle est en train de se rassembler dans notre mouvement. On a 3 critères. On n'embarque que des feuseux, c'est-à-dire pas de 10 œufs. Ou ça marche, ou ça marche pas. Je veux pas de projet. Je veux des trucs qui fonctionnent et qui réparent le pays. Deuxième truc, absolument fondamental, on cherche des gens qui rendent les citoyens acteurs. C'est-à-dire, on fait pas à votre place, on fait avec. Troisième point, aucun casse-couille. c'est-à-dire que quand j'avais les 2 premiers critères. Lorsque vous êtes dans une réunion comme ça, quand vous sentez le casse-couille, procédurier, emmerde. Il faut les conduire. Non, je prends que des gens, on n'embarque que des gens qui ont la joie au ventre. Et c'est pour ça que ça marche. Alors, ils n'arrivent pas qu'avec des propositions. Alors, non, certains. Surtout pas. Oui, surtout pas. Ils arrivent avec des choses concrètes. Oui. C'est-à-dire, j'ai fait ça, je l'ai testé, ça a marché ou pas. Non, généralement, ça marche et je vous l'expose. Mais, par exemple, hier, à Perpignan, il y avait un représentant d'un mouvement extraordinaire qui s'appelle Landes. Landes a été créé il y a une dizaine d'années par Guillaume Babst, qui est un de nos zèbres. Mais ce qui est très important, c'est de voir comment ça fonctionne à Perpignan, parce que les modèles ne sont pas exactement les mêmes. Il a fondé un réseau de 300 épiceries solidaires. Il est contre le fait de donner à bouffer à quelqu'un qui est dans la merde, parce qu'il considère que quand vous êtes dans la merde, on n'a pas à vous cracher à la gueule. Donc il a monté des épiceries solidaires où vous payez, mais 20% du montant du panier. Il y a échange, il y a respect. Eh bien, Landes, ça nourrit 1,5 million de Français par an. Qui en France connaît le nom de Guillaume Babst? Bon, eh bien, à mes yeux, c'est un immense leader français, parce que quand un type a été capable, avec son téléphone portable, de monter un système aussi gros, par exemple, tout ce qui est jeté à Rungis est récupéré par Landes. Ils ont des centres de tri, ils mettent des gens en réinsertion. Comme dans son réseau, il n'avait pas suffisamment de légumes frais encore, il a acheté des exploitations. Comme il y a une crise agricole, il garantit des prix aux petits producteurs français. Est-ce que vous avez été approché par les partis politiques pour tenter d'être récupéré? Oui, mais c'est pas évidemment qu'ils viennent tous nous voir. mais on est en train de faire un truc qui va sortir d'ici quelques semaines. On est en train de fabriquer des politiques régionales. Ça veut dire que dans quelques semaines, je ne dis pas le nom des régions parce qu'on est en cours de négociation en ce moment, la société civile va commencer à gouverner avec les régions et les associations de maires. Ça veut dire que vous mettez un pied dans le système politique? ça veut dire qu'on va agir. Ça veut dire qu'on va prendre fracture par fracture, territoire par territoire. La société civile va venir avec les outils, on va demander aux régions de les financer. Quelle que soit la couleur politique de la région. Mais on s'en fout complètement. Vu l'état du pays, on ne peut pas commencer à mégoter. Bon, l'accès au travail, c'est fondamental. Je n'ai rien à foutre de savoir si la région est à gauche ou à droite. Les gens sont au chômage. Et là, on a plein d'opérateurs. Je vais vous prendre un exemple de quelque chose qui va démarrer mercredi prochain, à Roubaix. On a deux zèbres. Vous avez un réseau, le réseau des centres de formation d'apprentis, les CFA. Eh bien, en France, il faut savoir que quand les jeunes rentrent dans les centres de formation d'apprentis, 80% ont un contrat de travail à la sortie. C'est énorme, un contrat de travail. Bon, mais un tiers des places sont vides. Et pourquoi ? Lorsque vous allez dans un CFA dans le Nord ou ailleurs, que lorsque vous demandez aux jeunes « Mais comment vous êtes arrivé là ? Est-ce que vous en avez entendu parler au moment de l'orientation en troisième ?» Il n'y en a pas un qui lève la main. Le système n'envoie pas les mômes là-dedans. Donc, ils arrivent trop tard dans leur vie. On les met d'abord en échec. Eh bien, on a décidé de faire le travail avec un autre zèbre. C'est l'Agence pour l'éducation par le sport. Ça rassemble des centaines et des centaines de clubs sportifs qui récupèrent les jeunes dans les quartiers difficiles, en gros 1 million de jeunes. Et on repère les forces vives parmi les clubs. Et mercredi à Roubaix, ça commence. On commence les campagnes de recrutement pour les CFA dans les clubs sportifs. Et les entraîneurs sportifs vont être les coachs qui vont les suivre. Et on va modéliser tout un système où ils vont être pendant 6 mois à l'intérieur d'un CFA sans maître de stage. Une sorte de prépa interne. On fait le boulot. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être au pouvoir. On n'a voilà. pas besoin laissez-les du faire, Parlement. Laissez-les faire, laissons-nous faire. Laissez-nous on faire. Se bouge le cul. On a déjà commencé. En tout cas, on l'écoute grave. C'est sorti en poche. Oui, Alexandre Jardin, allez-y, engagez-vous. bleublanzèbre.fr. Il est 17h18 à Roubaix et à Perpignan. On est avec Alexandre Jardin jusqu'à 18h et on change le monde. Je vous préviens, ça va chauffer. Sex Bomb sur France Inter avec Alexandre Jardin. le chef des Zèbres, qui est avec nous jusqu'à 18h, avec autour de cette table Alex. Et bien autour de cette table, par ordre d'apparition, André Manoukian, Guillaume Meurice et la charmante Clara Dupont-Manoukian. Bonsoir. Et que s'est-il passé dans le monde Que s'est-il passé dans le monde depuis 20 minutes qu'on n'a plus de nouvelles? Alors on va voir tout de suite. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Commence par les titres. Terrorisme. Une liste de 22 000 noms de terroristes a été remise par un repenti. Oui, donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste quand même encore 22 000 terroristes. Ah oui, et la bonne, c'est qu'on sait qui c'est quand même. Ah oui, ça c'est la bonne nouvelle. Des cheminots lancent une pétition contre Jean-Pierre Pernaut pour avoir donné des fausses informations durant son JT. Quoi? Oui, Jean-Pierre Pernaut donnerait des fausses informations dans le JT. Moi, ça m'a choqué. Oh, là, dis donc, j'espère qu'il y aura des brèves pour se remettre. Oui, on aura. Et on commence donc par l'info du jour. Un sous-marin russe aurait été aperçu dans le golfe de Gascogne au large des côtes françaises. Oui, et Serge Aurier jure qu'il n'y est pour rien dans cette nouvelle affaire de Periscope. Venons-en donc à la page terrorisme. Oui, un repenti donc de Daesh aurait donné une liste de 22 000 noms de terroristes présumés. C'est bien, mais est-ce qu'on est certain que ce terroriste est vraiment repenti? Ah bah oui, hein, quand même, un type qui fait de la délation, c'est quand même qu'un type qui est redevenu vraiment français. Ah bah oui, c'est juste. Justice à présent. Oui. La justice qui confie la tutelle de Vincent Lambert à son épouse. Ah oui, c'est bien qu'ils aient pas qu'ils aient désigné une tutelle plutôt qu'un tuteur. Quoi. Ah bon, pourquoi? Bah, un tuteur pour un légume, c'est mauvais goût. Non, Alex. Il va pas venir se plaindre. Je veux dire, au pire, ça le fera réagir et on félicitera. Alex, je pensais que vous aviez compris ce qu'avait dit le président de la Confédération suisse. Un rire cynique qui vise à tourner une personne en dérision. Ce n'est pas un bon rire, à mon avis. Voilà. C'est pas un bon rire, je vous demande pardon. Politique, Pierre Pringuet, ex-conseiller de Rocard et vice-président de... Parce que pour une fois, Clara comprend une blague, est-ce qu'on peut la laisser un petit peu rigoler, s'il vous plaît? Pas s'empêcher. Il va à Rocard. Dès que c'est de l'humour noir, vous aimez ça. Écoutez-moi cette affaire, parce que vous aimez les ex-conseillers de Michel Rocard. Ben, j'ai une vanne dessus. Pierre Pringuet, ex-conseiller de Rocard, vice-président de Pernod Ricard, soutient la ligne Macron. Voilà. Vice-président de Pernod Ricard. Oui. Ah oui, donc la ligne Macron, sur la voie double, ça passe, quoi. Oui, c'est encore mieux que des glaçons. D'accord. Hommage à présent. Oui, Gilles Lundgren, le créateur des étagères Billy d'IKEA, vendu à 40 millions d'exemplaires, est décédé à l'âge de 86 ans. Ses obsèques auront lieu samedi. Non, lundi. Parce que le couvercle du cercueil a été monté à l'envers et manqué une vis. Évidemment. Musique, Elie Chouraki annonce le retour de la comédie musicale Les Dix Commandements. Ah, ce sera une toute nouvelle version qui sera mise au goût du jour. Oui, Moïse aura désormais deux tablettes numériques et les commandements ne dépasseront pas 140 caractères. Télévision, des cheminots une pétition contre Jean-Pierre Pernaut pour avoir donné de fausses informations durant son JT. Mais oui, en effet, depuis des années, hein, Jean-Pierre Pernaut essaye de nous faire croire que la SNCF dessert la Creuse. C'est totalement malhonnête. Sport à présent, carnet rose avec la naissance de la fille de Mathieu Valbuena. Elle s'appelle Léa. Oui, et la vidéo de l'accouchement est disponible. Karim Benzema, bande des copies. Et des brèves. Oui, des brèves. Allez-y, Charline. Première brève, c'est bon. Aux États-Unis, le fils de 4 ans d'une militante pro-armes lui tire dessus par accident. Et oui, et Jamie Gelt, grande partisane du droit de porter une arme à feu, est à l'hôpital dans un état stationnaire. Mais la maman s'est voulue rassurante et n'en veut pas au petit. En fait, elle dit « Il n'a pas fait exprès, de loin, il m'a prise pour un noir ». Et enfin la dernière. Oui, doux. Elle pensait avoir gagné à l'euro-million et achète à tout va, avant de se rendre compte de son erreur. Ouais, on ne le dira jamais assez, dans le doux, abstiens-toi. Oui, bah oui, un petit jeu de mots qui n'attaque personne, un bon rire, comme dirait notre un bon rire. Et merci à Frédéric Sigrist qui nous aide toute cette semaine à écrire. Vous pourrez le retrouver dans Pop Fiction d'Ali Rebeilly dimanche à 17h et bien sûr le lundi chez Nagui, bande originale, 11h. Frédéric, merci. Allez, c'est Alexandre Jardin qui nous accompagne jusqu'à 18h, le chef des Zèbres qui est avec nous. Premier sujet avec vous, la France est minée par la défiance. C'est la une du journal L'Opinion d'aujourd'hui. Défiance envers les institutions, les élus, les experts et même les pays voisins qui réussissent mieux que nous. L'espoir viendra sans doute du réveil citoyen puisque la prise de conscience, ça y est, elle est bien là, elle. Ça fait 30 ans qu'on nous dit qu'il faut faire des sacrifices et que ça ira mieux demain. On entend toujours, hein? Bon, on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Il dit ça pour faire passer la pilule, hein? La pilule? Oui, l'austérité, les sacrifices, les plans coupe-coupe. Faut couper dans les dépenses publiques, couper dans les soins de santé, couper dans les salaires, couper dans les pensions, couper dans la culture, couper dans les chômeurs. C'est un extrait d'une vidéo du collectif Acide, qui est une plateforme d'audit citoyen en Belgique, de la dette. et qui pose cette question, qui est responsable de la dette? C'est donc aussi un mouvement citoyen chez nos voisins. Alors, défiance générale, c'est une de l'opinion aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien sûr la confiance qui permet de développer la société. Confiance, c'est un mot très très important pour les zèbres, pour le mouvement bleu-blanc-zèbre. Confiance, c'est aussi un mot qui est beaucoup en économie. Hein. Les marchés perdent confiance, les patrons perdent confiance. Il y a beaucoup d'anthropomorphisme dans la bourse. Mais si les citoyens se font confiance à eux-mêmes, et entre eux, c'est possible. Comment fait-on entre citoyens pour se donner confiance? On collabore. Au bon sens du terme. Non, non, Alexandre, au bon sens du terme. Bravo. Compte tenu de mes ascendants, on va dire autrement. On coopère. Mais avec les nazis. Non. Oui, pardon. Je vais vous prendre des exemples. Alexandre. Mais surtout, je pense que les mouvements citoyens se sont toujours plantés quand ils n'ont pas compris qu'il faut coopérer avec les élus locaux. D'abord parce que les Français ont confiance dans un maire, parce qu'il est à portée de baffe. Donc si le problème ne se règle pas, ils vont le voir. Bon, et puis, nous, on rassemble autant de maires, d'élus locaux, de patrons d'interco. On considère que sont faiseux tous les politiques qui ont une chaîne de commandement courte. C'est-à-dire, quand vous faites un deal, vous serrez la main... Et on avance lundi. Mais oui, le circuit court, c'est du bio, bien sûr. Voilà. Oui. On fait de la politique mais bio. Mais du coup, il faut plus de président de la République, alors? Non, c'est pas le problème. Oui, mais du coup, là, le circuit de décision est long par excellence. Oui, mais justement, un délai, par exemple, d'une loi Macron, les décrets ne sortiront pas avant l'automne, alors qu'on en débat depuis... Donc, le problème des Français, il est immédiat. Je vais prendre un problème extrêmement concret. Vous avez 2,5 millions de Français qui sont interdits bancaires. Essayez de vous démerder sans carte bleue, sans relevé d'identité bancaire. Vous ne pouvez pas avoir de puce dans votre téléphone. Vous ne pouvez pas vous inscrire dans une agence intérimaire. Vous êtes dans une merde absolue. Si on écoute le Secours catholique, le Secours catholique dit qu'il y a à peu près en France entre 5 et 6 millions de gens qui sont loin d'une banque. Vous avez les 2,5 millions d'interdits bancaires et à peu près autant qui ont des parcours tellement difficiles qu'ils n'ont pas de banque. Vous avez quasiment 10% d'un peuple, d'un grand peuple développé, qui n'a pas de relevé d'identité bancaire. Donc qu'est-ce qu'on fout? Soit vous pensez qu'il faut voter une loi, et toutes les lois existent sur la rebancarisation. Il y a des obligations qui sont créées à la poste, un truc, mais ça sert à rien. Je veux dire, les chiffres n'ont quasiment pas bougé. Eh bien, nous, on a trouvé un ZEB dont on accompagne le développement, que moi, j'embarque sur le plateau de Frédéric Lopez le mercredi, etc. C'est une société qui a 90 actionnaires, qui s'appelle CompteNickel. CompteNickel.fr. Ils installent des machines chez les buralistes, les marchands de tabac. Vous scannez votre pièce d'identité, vous payez 20 euros. 20 euros. Et vous ressortez avec une carte de paiement Mastercard et un RIB. On vous l'imprime en 5 minutes, on ne vous pose aucune question humiliante. Ils ont ouvert, en un peu moins de 2 ans, 255 000 comptes. Ça veut dire que les faiseux vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. On a attendu aucun... C'est énorme, oui, 255 000. Alors, attendez, mais ils mettent quoi sur le compte avec la carte bleue? Alors, on n'a pas le droit à un découvert. On met la somme que l'on veut, mais on a une identité bancaire. Donc on peut payer la cantine de son gamin. On a surtout un RIB. Et sans RIB, vous ne pouvez pas avoir de puce dans votre téléphone. Vous êtes complètement exclus socialement. Alors, dans nos politiques régionales, il y aura évidemment, par exemple, cet acteur-là. Il faut qu'on fasse des régions entières, qu'on fasse le boulot de rebancarisation. Donc, on est en train de s'attaquer, nous, sans rien attendre d'en haut, au rétablissement des minimums. On parle de la confiance ici des gens vis-à-vis des politiques. Oui. Comment les gens vont avoir confiance en vous? Comment ils vont savoir que vous, c'est la main qu'il faut attraper? Alors c'est super simple. On est en train de sortir l'action politique du marché de la promesse. On le fait. Rien qu'en disant ça, c'est fait une phrase politique. Vrai, non. Non, on le fait. C'est une promesse aussi, non? Non. Surtout qu'on connaît votre casier judiciaire. excusez-moi, mais... On le fait tout de suite. On le fait tout de suite. Par exemple, lorsque je vous dis qu'on a 20% des gamins qui ne savent pas lire à l'entrée au collège, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on embarque, on a un programme que j'ai fondé il y a 16 ans, qui s'appelle Lire et faire lire. On s'occupe déjà de 650 000 enfants. On a 18 600 bénévoles. On embarque les retraités dans les écoles maternelles et primaires pour qu'ils transmettent le plaisir de bouquiner. Mais simplement, tout seul, on va pas y arriver. Donc on a pris un deuxième zèbre, qui s'appelle Lire, c'est partir, qui est un éditeur associatif qui vend des bouquins à 80 centimes, des albums jeunesse, 80 centimes, en dehors du marché du livre, au fond des campagnes et dans les cités. Il en vend chaque année 2 300 000. Ben, il nous a fait une offre pour toutes les communes qui veulent démarrer Lire et faire lire, 100 euros, 100 albums, port compris. Donc on se démerde et on va attaquer territoire par territoire, on va faire des territoires Lire et faire lire, et quand il n'y a pas les bouquins, ben on a des solutions pour 100 euros. Et donc, laissez-les faire, ils ont déjà commencé. Je disais Lire, c'est partir, qui est parrainé par Fleur Pellerin. C'est important de le préciser. Bleu-blanc-zèbre.fr, c'est le mouvement d'Alexandre, initié par Alexandre Jardin et tous les zèbres dans toute la France. Vous en êtes un, vous deux zèbres? Oui, surtout que l'autre jour, j'ai reçu Solo et notre Afrique enchantée, et ils ont justement des chemises de zèbre, parce qu'ils disent, on est blanc et noir à la fois. Voilà, allez-y, André, donc vous avez le micro. Allez, c'est parti. Tenez-le. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand une chanteuse arrive sur la scène d'un club de jazz? Eh ben, elle est prise en sandwich entre deux fronts, devant le public, bavard, bruyant, alcoolisé, dissipé, qui est là à moitié pour se faire charmer, à moitié pour se faire consoler, et rajoutons une troisième grosse moitié qui est là surtout pour se rincer l'œil. Derrière, deuxième menace, eh ben, les musiciens carrément. Le batteur, qui à force de retenir ses cymbales pour ne pas couvrir la voix de la chanteuse, n'attend que le dernier morceau de la setlist, celui où il va enfin pouvoir faire son solo. Le contrebassiste, coincé entre le batteur et le bassiste, qui suit tantôt l'un, tantôt l'autre, et qui est tellement concentré sur ses walking bass qu'on a le sentiment qu'il en a rien à foutre de la chanteuse. Le guitariste qui jette un œil par-dessus son manche pour repérer les filles qui sont dans la salle. Le sax qui se glisse tout en contrepoint dans les interstices du chant comme pour dire hey, moi aussi j'existe et j'ai même un ego aussi gros que mon baryton. Alors la chanteuse, imperceptiblement, elle recule comme pour se protéger jusqu'au seul espace qui va la recueillir, un endroit magique où elle va se réfugier, la courbure bienveillante du piano à queue dans laquelle elle va se lever pour repartir de plus belle à la conquête du public. Dans un mouvement de soulagement, elle se retourne vers le pianiste et lui jette un regard de gratitude. Et bim, c'est foutu. La ligne de ce regard transperce le pianiste qui, soit dit en passant, est le seul à faire de la place entre ses doigts à la voix de la chanteuse. Ça sent le vécu. Ouais. Et dans vécu, il y a... Pas tout de suite, Charline, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que le piano est l'instrument roi avec lequel on fait toutes les parties d'un orchestre. De sa main gauche avec le petit doigt et le quatrième de la main gauche. On fait les basses avec le troisième et le deuxième et le pouce. On fait les trombones avec la main droite, le pouce 1, le 2 et le 3. On fait les trompettes avec le petit doigt, on fait la mélodie. Deux mains, en adoptant un jeu plus percussif, le pianiste peut aussi faire les congas, des rythmiques intenses et puis reprendre à nouveau n'importe laquelle des parties orchestrales. Il peut CV, tout en jouer. Il peut tout jouer, tout faire, tout sauf la voix. La voix, l'instrument suprême, l'incarnation de la mélodie, c'est elle qui porte le récit. C'est la musique qui est un langage qui ne veut rien dire. Elle trouve toute son expression dans la voix qui dit tout sans même avoir besoin de paroles. Alors le pianiste rentre chez lui et il se met à composer. Oh, il n'a pas grand-chose à faire. Il faut juste qu'il aille suffisamment vite pour retranscrire toute cette musique qui l'inonde, toutes ces notes qui se précipitent soudain dans sa tête, qui tombent du ciel et qui l'aspergent comme une douche de bonheur à la simple évocation mentale du timbre de l'être aimé, la chanteuse. Oui, ça n'est pas possible de ne pas tomber amoureux d'une belle voix quand on est un pianiste digne de ce nom. C'est même un devoir. Et vous me connaissez les garçons, j'ai le sens de l'honneur. Mais décortiquons encore le process. Il est organique au fond. Car la chanteuse est une déesse bicéphale. Elle est muse quand elle inspire. Mais très vite, elle se transforme en sirène. Et là, il faut s'accrocher très fort au mât du bateau. Pour ne pas tomber. Elle est muse jusqu'à ce que vous ne couchiez pas avec. Quoi. Je comprends bien. Il faut s'accrocher très fort au mât du bateau pour pas tomber dans les flots de la libido. L'eau, c'est la libido. Jésus qui marche sur l'eau, c'est le symbole de l'homme qui surmonte sa libido. Vous avez déjà essayé de marcher sur l'eau, Alex? Moi, j'y suis jamais arrivé. Ça marche pas bien. Hein. J'ai toujours plongé. Alors, c'est avec bonheur que je vous présente un autre pianiste qui a plongé pour le bonheur de sa chanteuse et pour le nôtre. Lui, il s'appelle Alexei Asantchev. Elle s'appelle Lou Tavano. Ils se sont rencontrés sur Satin Doll de Duke Ellington, nous dit la légende. Et il nous livre un album somptueux qui s'appelle tout simplement For You. C'est pour vous, Charline. C'est for you. Je viens me lever Charline. Dans votre piano à queue. Charline, vous chantez pas ? Oh, it's funny how you wake in the pine asleep, their eyes are closed. Breathing slowly and playing with a push of brows. And I like the way they're moving. And it's silly how I'm teasing you, cuddling gently beating you. Fearing you may not open your eyes. Again. I've been waiting near your bed, a little longing for you to get up. Weeping softly, I'm wondering, will it ever stop? Cause you know I don't really play them. In your room, you should be having fun dancing, shouting, teasing now. And your wife filled the sun, it's forever gone. Has it been going on for so long? I feel the wiggles gone since your bed. I need you to be strong. Has it been going on for so long? I feel the years gone since your bed. About the way you look when you sleep, your eyes are closed, dropping softly my tears, then your spooky clothes. And I hate to think it does. After all, I said that hope is gone, I will even sing a song. Don't say a word, I'll be there all alone. Has it been going on for so long? I feel the wake has come. Since you're there, I need you to be strong. Has it been going on for so long? I feel the year is gone since you're there. Voilà, elle s'appelle Lou Tavano, elle est en tournée dans toute la France et à Paris. Elle joue au Duc des Lombards les 31 mars, 1er et 2 avril. Allez dans les clubs de jazz, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a en province et il y a des zèbres bienveillants partout qui vous initieront à cette musique fantastique qui non seulement fait transpirer la moustache, mais qui peut faire se rencontrer un pianiste et une chanteuse. Oh, merci, merci André Manoukian qui vient de rentrer comme zèbre alors la tribu d'Alexandre Jardin qui est avec nous jusqu'à 18h. Je rappelle que Laissez-nous faire, on a déjà commencé son manifeste pour les feuzeux, est paru en livre de poche et le site bleublanczèbre.fr. Alexandre Jardin, on va bientôt parler de Grande Sainte des réfugiés et de beaucoup de diseux, un peu de feuzeux, mais qui font beaucoup de feuzeux qui font du bien aussi. Et en attendant, Guillaume Meurice, un diseux. Mais bon, oui. Pour le bien, on l'aime bien quand même, c'est ça que vous dites. Lâchez-vous. Pas grave. Mais non, c'est un penseux. Exactement. On aurait voulu le surestimer. Mais justement, là, on va prendre un petit peu de recul aujourd'hui, un petit peu de hauteur, puisqu'on va parler des élections présidentielles américaines et plus particulièrement de Donald Trump. Alors, on commence à bien le connaître, Donald Trump. Alors, pour ceux qui ne voient pas, disons qu'à côté, Robert Ménard, c'est Rachid Tarr. Vous voyez, un petit peu, Donald Trump, donc c'est un personnage haut en couleur. La couleur étant bien évidemment le orange, celle de son visage. Alors ça c'est pour situer un petit peu. Bon, c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui fait polémique. Et figurez-vous qu'il existe en France des soutiens de Donald Trump. Ils ont une page Facebook, devinez combien ils sont ? Mais non. Ils sont combien ? Je sais pas, 1000 ? Eh bien ils sont 600. Ils sont 600 quand même en France. Et moi j'en ai contacté quelques-uns. On va apprendre des choses aujourd'hui sur Donald. On va prendre de la hauteur et on commence avec un sujet léger, le port d'armes. Une personne doit pouvoir se défendre. C'est le but de la défense, notamment aux États-Unis, du second amendement. Ah, mais est-ce que c'est pas un problème si la personne s'en sert pour attaquer ? C'est un épiphénomène, ce dont vous parlez. Seuls 3% des armes vendues légalement aux États-Unis serviront À commettre un crime. Voilà, 3%, hein, 3%. Alors attendez voir un petit calcul. on estime, hein, j'ai regardé les chiffres, 1 million d'armes à feu qui se vendent chaque mois aux États-Unis, donc 3% d'un million, 30 000 morts par mois. Bon, c'est pas excessif. C'est pas excessif, ça se défend. C'est un épiphénomène. Ouais, exactement. Alors, c'est une manière efficace de lutter contre le chômage, hein, en même temps. Et puis au moins, ça évite les aftes que François Hollande chope à chaque fois qu'il roule une pelle à Pierre Gattaz. Pierre Gattaz, c'est la main du pédale. Il a parlé à travers moi, quelle horreur. Sortez de ce corps, Pierre Gattaz. Oui, non, mais c'est aussi ça, voilà, prendre de la hauteur. Parce que les critiques contre Donald Trump sont bien souvent infondées, il faut le dire. Par exemple, est-ce qu'il est raciste? Non, il n'est pas raciste du tout. Il fréquentait un certain nombre de personnes au passé. Je voyais justement l'autre jour une photo de lui recevant, par exemple, le roi Hassan II du Maroc. Voilà, donc non, il n'est pas raciste, clairement. Voilà, il a une... Il a une maison à Marrakech, voilà. Il a un cendrier en acajou, voilà, il a dansé. Il aime le couscous boulet. Voilà, il a dansé sur Saga Africa en 91, donc voilà, il est pas raciste à faire classer. Ouais, ça fait du bien un petit peu de prendre de la hauteur quand même. Bon, alors c'est vrai que peut-être il fait une fixation sur l'islam, à la limite. C'est vrai qu'il veut empêcher les musulmans de rentrer aux États-Unis. Alors, moi je dis pourquoi pas, mais moi je voulais juste savoir comment on reconnaît un musulman à la frontière. Oui, alors ça, ce sera le, aux gens chargés d'étudier ces questions de regarder. Bon, je pense que c'est ce que je vais vous dire risque de vous poser un peu problème, mais bon, le nom est un bon, est souvent un très bon indicateur. Avec le nom, vous pensez qu'on peut savoir? Ouais. Une personne qui est musulmane en général aura un nom arabe. D'accord, ça on peut les contrôler comme ça. Ça oui. Voilà, vous voyez, donc il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, hein, on l'a dit avec Alexandre Jardin. Alors il y a des noms, voilà, bien franchouillards, on le sait. Bon, si on prend par exemple Dupont Mono. Ah voilà, ça sonne plouc. J'avais la paix depuis 4 minutes et je trouve ça suspect. Ça sonne plouc, quoi, on sait que c'est français, c'est belgélou, c'est catholique de souche. Non, vous ne dînerez pas avec ça moi. Ça sent la gourmette à la première communion, ça sent le touche pipi derrière la sacristie. Voilà. On est rassuré. Alors Manoukian, bon voilà, on est un petit peu plus méfiant. Hanouneker, alors là ça dégage, hein, ça reste pas à la frontière. Vous voyez, alors c'est simple pour les musulmans, bon c'est assez simple. Alors passons aux Mexicains maintenant. Parce qu'on sait, il y a un problème d'immigration mexicaine aux États-Unis. Alors la solution de Donald Trump, on la connaît, construire un grand mur tout le long de la frontière, mais pas seulement. Il passe son temps à le dire, et ça les médias français, je le remarque, ne le notent pas. Au milieu de ce mur, il y aura une grande porte pour que les gens puissent rentrer. Je souhaite que les gens puissent rentrer aux États-Unis à la seule et unique condition qu'ils rentrent légalement. Par cette porte, donc, ouais. Oui, oui. Voilà, un mur avec une porte. Hein, voilà. Non, mais fallait que ça soit dit quand même, parce que sinon, tu te retrouves enfermé chez toi. Hein, et ça, déjà, c'est un peu chiant. Mais quand t'es enfermé avec plein de cons d'Américains tout autour, c'est encore plus compliqué. Hein. Mais bon, si on faisait pareil en France, on n'aurait pas d'étrangers pour commettre des attentats chez nous. Alors, je sais, vous allez me dire, oui, mais les terroristes, bien souvent, ils sont français. Oui, bon, alors, qu'avait à répondre cet autre fan de Donald Trump? Oui, c'est dans leur papier, si vous voulez, pas tout à fait dans leur tête. Mais alors, attendez, ça veut dire quoi, être français dans sa tête? Bah écoutez, c'est se sentir français dans son cœur. Comment je pourrais vous expliquer ça? Ouais, mais comment on pourrait contrôler qui est français dans sa tête ou pas? Écoutez, je sais pas comment, je m'attendais pas vraiment à ce genre de questions. Ouais, c'est un peu vache. Non, j'aurais dû lui laisser 4 heures, hein, avec pour thème. Donc, comment savoir si quelqu'un est français dans son cœur? Moi, quand je vois le score du Front National, je me sens souvent français dans un autre endroit de mon anatomie. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce qu'il pense du Front National, ce fan de Trump? C'est un parti de gauche. Madame Le Pen est une femme de gauche. Oui, concrètement, c'est un mouvement qui est passé à gauche. Ah oui, alors pour vous, le Front National, c'est carrément des bolcheviques, quoi. C'est vrai que ça se bolchevise de plus en plus au Front National. Voilà, et c'est important, je vous disais donc, de prendre de la hauteur. Alors on conseille à Donald Trump de prendre encore plus de hauteur et de sauter, hein, dans le vide. Voilà, c'est sans doute la seule manière pour qu'il s'écrase enfin. Oh, sky is the limit, quoi. Ah oui, là on est. Mais où vous allez les choper, franchement? Eh bien, ils ont une page Facebook, voilà, que je vous encourage ils à liker. 600 soutiens de Donald Trump. Ils sont un peu Trump. Plus de 600, il me semble. Ouais, voilà. Voilà. Bah, c'est pas des zèbres, c'est des vrais cons. Voilà. Il faut qu'on les récompense américains. Peut-être. Merci Guillaume Meurice. Mais je vous en prie. Allez, il est 17h45 sur France Inter et on est avec un citoyen engagé, Alexandre Jardin. Oui, parce que vous avez mis un petit peu la littérature en sommeil. Hein. Ça, si vous échouez en 2017, si vous êtes contraint de vous présenter en 2017, et bon, ce sera une autre histoire. Mais sinon, l'idée est, après 2017, de revenir à la littérature quand même. Alexandre Jardin. L'idée, c'est surtout de faire que ça se passe bien en 2017. Oui, ça c'est le premier objectif. C'est-à-dire qu'on ait commencé à redresser le pays nous-mêmes. Parce que la folie, ça consiste à se dire qu'en 2017, il y a quelqu'un qui va sortir du chapeau avec des solutions miracles. Mmh. Le fameux homme providentiel. Oui, voilà, ça ne marche pas. Il ne peut y avoir qu'un peuple providentiel qui se prend en main tout de suite. Tout de suite. Et c'est ce qu'on est en train de faire. De faire. Allez, avec vous, donc, le deuxième sujet. À Grande-Synthe, le camp humanitaire aux normes a été ouvert. Des cabanes en bois chauffées avec sanitaires pour mettre les réfugiés juste à l'abri. Ce n'est pas un centre d'accueil, c'est juste à l'abri. C'est la volonté du maire, Europe Écologie Les Verts, contre l'avis du gouvernement. Et une équipe de BFM TV a pu visiter une cabane. Hé, il y a des bêtes. Allez. Mais que c'est joli. C'est caché fou chez vous. C'est propre. Mangerai par terre. Mon Dieu, cette dentelle. Oh, mais regardez-moi cette dentelle. La finesse du poing. Oh là là. Oh, il y a la télé. Ah oui, on a trouvé un lien entre les bros et fous du ski. Et, que voulez-vous ? Alors, il y a un édito dans Libération aujourd'hui signé de la correspondante à Lille de Libé qui explique Calais et Grande-Synthe. D'un côté, les expulsions au bulldozer. De l'autre, les humanitaires avec du thé à la menthe. Même si les cabanes en bois ne sont qu'une mise à l'abri, pas un accueil. Le maire de Grande-Synthe qui a permis ça contre l'avis du gouvernement, c'est l'exemple d'un, normalement un diseux, puisqu'il est, enfin quoi que non, il est non, maire, non, il est non, local. Voilà, non, c'est un faiseux. C'est un faiseux. Et en plus, c'est un faiseux désobéissant, oui. Le maire de Grande-Synthe. Ça, c'est un modèle, alors, pour un être zèbre. Mais vous savez que la majorité des maires en France sont désobéissants. La dernière fois que j'ai participé à une réunion de maires ruraux, j'aurais posé une question, il devait y avoir à peu près 300 maires. J'aurais dit, est-ce qu'en France, est-ce que vous pouvez être maire en restant dans la légalité ? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu ? Fou rire général de la salle. C'est-à-dire que le système normatif français est tellement dingo, mais dingo. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'être un élu local et d'être dans la légalité en ce moment. C'est impossible. Ils se retrouvent tous... dans cette réunion, par exemple, il y avait le trésorier, le responsable des finances publiques du département, qui annonçait avec grandiloquence que nous étions une grande nation numérique et que dorénavant, les mouvements financiers entre les mairies et l'État se feraient par Internet. Il y a 12 mecs au fond de la salle qui ont dit « On n'a pas Internet, on fait comment ?» Et le type leur a dit « La République est grande, une et indivisible. » À votre avis, les 300, ils étaient du côté de qui ? Ils étaient du côté de ceux qui étaient vraiment dans la merde. Et ceux-là, ils sont revenus dans leur pays, dans leur région, et ils ont dit « Ils sont dingues à Paris ». Et, bien, donc, et c'était vrai qu'ils étaient dingues. Oui, quelle transition, puisque nous aurons la folie en littérature. Alexandre Jardin, oui. Mais oui, vous avez raison. Vous pouvez y aller, Charline, on va finir l'émission. Je vois que vous êtes autonome. Quelle transition. Vous avez vu, Alexandre Jardin, ils ont intégré l'autonomie, faire les choses soi-même. Ils font eux-mêmes, ils font l'émission, tout ça. Bien sûr, allez. Je ne parle même pas de les ébrions. Alexandre Jardin, laissez l'affaire, elle a déjà commencé. En parlant d'être providentiel. Oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi... Alors, le 14 mars, il démarra la semaine d'information sur la santé mentale. Non, mais ça existe vraiment. Alors, rien à voir avec cette émission. C'est pas pour vous. Hein, c'est... Voilà. Non, mais c'est très intéressant parce que le but de elle ces journées... Elle l'a pas fait avec les autres, mais bon. Mais attendez, le but de ces journées, c'est très pédago et c'est très intéressant parce qu'elles s'adressent au grand public et leur but, c'est qu'on ait plus peur des fous, parce que c'est quand même ça l'histoire. C'est qu'en 2016, les fous effraient, on a peur des fous, et fut un temps béni et assez progressiste qu'on appelle le Moyen-Âge, où on fichait royalement la paix aux fous, ils étaient intégrés à la cité, et tant qu'ils n'étaient pas dangereux, après tout, ils vivaient parmi les gens. La littérature, qui est parfois plus ouverte que les hommes, je ne vous apprends rien, Alexandre Jardin, a toujours, elle, accueilli les fous. Parce que ça fait belle lurette qu'elle nous a fourni des personnages de fous qui sont absolument magnifiques. Pour séduire à nouveau Iseut, Tristan, qu'est-ce qu'il fait ? Il se déguise en fou. mais oui. Et je ne vous parle même pas de Rien ne s'oppose à la nuit, du film de, du livre, pardon, de Delphine de Vigan. Mais il y a eu aussi Mademoiselle Liberté, de vous, Alexandre Jardin. Regardez aussi au cinéma, il y a eu le film Séraphine, avec Yolande Moreau, où il y a eu aussi Marguerite, récemment couronnée, c'était incarné par Catherine Fro, au César. Donc vous voyez, à chaque fois, le personnage du fou fantasque, pas dangereux, est quand même assez présent dans notre culture. Eh bien, il y a un roman qui vient s'ajouter à ces petits joyaux et qui s'appelle « En attendant Beau Jungles » d'Olivier Bourdeau. Est-ce que vous l'avez lu, Alexandre Jardin ? Pas encore. Alors, vous allez le lire. Ce livre, c'est une mère qui est folle, mais elle est racontée, en fait, par son petit garçon. C'est lui, le narrateur. Alors déjà, il y a une première difficulté qui est que faire parler un enfant sans tomber ni dans la niaiserie, ni dans l'artificialité, en fait... On est sans ressembler à Alex Vizorek, finalement. C'est un véritable exploit. Et ben, ce moi roman, aussi, je vous aime. Oui, il y parvient. C'est-à-dire que c'est vraiment la voix d'un enfant qu'on entend, et il se trouve que cet enfant adore sa mère. Et on le comprend, parce que cette mère, elle est belle, elle est ingérable, jusqu'à présent c'est un peu comme Charline et moi, mais elle adore le luxe, alors qu'elle est fauchée, plus ou moins que Charline, et lors d'un dîner... Qui est pété de thunes, tout le monde le sait, c'est un secret pour personne. Et lors d'un dîner, elle peut enlever sa culotte et la jeter au visage d'un convive. Ça, c'est clair. La classe. La classe, il faut bien avouer. Elle vous voit tout le monde, y compris son oiseau d'Afrique qu'elle balade en laisse sur le trottoir. La vie est une fête pour elle, et elle dit notamment à son garçon, quand la réalité est banale, inventez-moi une belle histoire, vous mentez si bien. Ce qui est quand même merveilleux. Cette femme, elle est portée aussi par l'amour de son mari. Et notez que c'est aussi le canevas dans le film Marguerite de Xavier Giannoli. En fait, le mari, il incarne à chaque fois la tendresse dont est dépourvu le monde à l'égard de ses fous. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Georges ? Parce qu'il s'appelle Georges, ce mari. Eh bien, quand il voit sa femme sortir toute nue pour aller acheter des huîtres et du muscat des frais pour les invités, il pense à lui mettre une chapka. Sur la tête, voilà. Dès qu'il la voit, qu'est-ce qu'il ne peut pas s'empêcher de faire ? Il lui saisit la taille et il danse avec lui au milieu du salon, de la rue, n'importe où, toujours sur la même musique qui est celle de Beau Jungles de Nina Simone, d'où le titre. Tous les deux jours, il lui donne un prénom différent parce qu'il sait que ça la fait rire. Donc, elle s'appelle Hortense, Pauline ou Marguerite, encore elle. Seule exception, le 15 février, il l'appelle Georgette parce que c'est le lendemain de la Saint-Valentin. Je cite, « Mes parents trouvaient tellement peu romantique de s'attabler dans un restaurant entouré d'amoureux forcés en service commandé que chaque année, ils fêtaient la Sainte Georgette en profitant d'un restaurant désert et d'un service à leur seule disparition. » Ça finira mal, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, c'est un roman sur la bienveillance. C'est la merveilleuse. Oui, parce qu'il n'y a pas de jugement posé sur la mère. Et cette neutralité bienveillante, elle parcourt vos livres, Alexandre Jardin, très souvent. Et en fait, elle rend extrêmement attractifs les personnages fantasques, parce qu'il y a toujours une présence qui est séduite par la folie de ces gens-là. Parce qu'elle est séduite, elle en fait ressortir en fait toutes les couleurs. Et on peut donc affirmer, et là je cite Fanfan d'Alexandre Jardin, « Les fous sont ceux qui oublient de l'être par amour ». Je vous redonne les références du livre. Oui. En attendant, Beau Jungles d'Olivier Bourdeau est paru chez Finitude et vous retrouvez cette chronique dans le Parisien Magazine à sortir demain. Oui. Ah, ça gâche tout, ça gâche tout. Olivier Bourdeau. Voilà. Voilà, j'ai noté. Et vous pouvez retrouver la référence sur franceinter.fr. Aux éditions Finitude, petite maison d'édition bordelaise, Défaiseurs, eux, qui sont tout en bas et qui fournissent d'excellents romans. Eh oui. C'est pas Bernard Arnault, ils sont Parisien Magazine. Qui a en couverture un Polnareff à poil. Voilà. Et une jolie photo. Il n'est pas beau, Polnareff. La chose est... Non, il n'est pas beau. Non, mais avant que vous ayez le même corps, si vous voulez, c'est collé du temps. Avant que j'ai le même graphiste, ça s'appelle. Ça s'appelle Photoshop, madame. Vous êtes sur France Inter. L'ambiance est bonne. L'ambiance est excellente. Les fils sont branchés. Mais ils ne se touchent pas. Dites-nous, Alexandre Jardin, rapidement, il y a combien de zèbres vous avez recensés pour l'instant dans toute la France à peu près ? 220 pour l'instant, mais il y a un raz-de-marée en ce moment. J'imagine la personne qui prend l'émission maintenant. Combien de zèbres ? Mais il n'y a pas 220 zèbres. Mais c'est le mouvement d'Alexandre Jardin. Mais c'est pas ça, c'est que ça afflue. Sauf que chaque zèbre représente un réseau. Oui, à chaque fois. Oui, parce que ce ne sont que des feuzeux, attention, mais forcément. Mais ils arrivent, mais en bataillon serré. Mais c'est stupéfiant. Le pays est génial. Voilà une belle note d'optimisme. Alexandre Jardin, justement, les zèbres nous ont inspiré un sketch. Voilà, à la fin de l'émission, on propose toujours à l'invité de participer à un sketch. Je vous propose, Alexandre Jardin, d'être l'éditeur d'une grande maison d'édition, parce que c'est vrai que vous, Zèbre, au départ, c'était un livre, puis un film, puis un mouvement. Donc, vous avez envie quand même de faire du marketing et vous recevez une jeune auteure de talent, Clara Dupont-Mono. On y va. Bonjour. je peux entrer ? Oui, suivante, comment vous appelez-vous ? Clara. Clara, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre livre sur Diane de Poitiers. C'était sur Aliénor d'Aquitaine. Oui, Aliénor d'Aquitaine. Bon, je vous cache pas que moi, c'est ce qui me fait bander. En tant qu'éditeur, c'est l'angle. Quel angle ? L'angle merchandising, produits dérivés, séries, films, goodies, applications, jeux vidéo, fromage de chèvre. Qu'est-ce qu'on fait de votre bouquin ? Je n'y ai pas réfléchi, je vous avoue. Il faut. Vous connaissez Alexandre Jardin ? Un peu. C'est bien simple, c'est le plus grand auteur français des 20e, 21e et probablement 22e siècle. Alors c'est pas du tout celui auquel je pense. Bien son Zeb, c'était qu'un livre, à la base. On en a fait un film, un mouvement politique. Même un gel douche. D'accord, mais attendez, pour mon livre, je ne sais pas. Évidemment que vous ne savez rien, vous êtes un auteur, celui qui sait, c'est l'éditeur. C'est vrai, alors vous avez édité Michel Houellebecq. Bon exemple. Michel non plus, il ne savait pas, mais son livre Soumission, on a d'abord fait un club libertin, pour 3 fessées achetées, la 4e offerte. Ah, je connais ce club. Et après, on en a fait un mouvement politique, la Soumission, les Français aiment ça. Aliénor, elle s'est mariée à Bordeaux, elle pourrait soutenir Juppé. Pas mal. Bordeaux, on peut en faire une marque de rillettes ensuite. Alors, disons qu'en écrivant le livre, ça, j'y avais pas pensé. Tu rajouteras une ligne où elle mange des rillettes. Non, mais les rillettes, ça n'existait pas encore au 12e siècle. Écris un livre sur Marie Curie, chérie. Non, mais je me fiche des produits dérivés. Écoute, chérie, Christine Angot aussi m'avait dit ça. Mais quand elle est devenue l'égérie d'une marque d'antidépresseurs, elle me remercie. Non, mais arrêtez de m'appeler chérie et d'une et de deux, ça ne peut pas être ça. D'accord ? Aliénor d'Aquitaine était une femme libre, frondeuse, indépendante. Libre, indépendante, je sais. Des tampons, chérie. Vous êtes sûr ? Mais oui, chérie, certain. J'ai déjà le slogan, les serviettes d'Aliénor pour les femmes conquérantes. Alors là, lapin, j'ai peur qu'on s'éloigne. Salut les cocos. Salut la coco. Bonjour, monsieur Becbédé. Alors Frédéric, c'est bon, tu l'as trouvé le titre de ton dernier bouquin ? Ouais, j'en suis très content. J'ai appelé ça la poudre aux yeux, mais pas que. Ça c'est pas mal. J'appelle toutes les marques de poudre à lessiver. Vous pouvez passer à l'édition. Alexandre Jardin, vous êtes comédien. Non, j'ai eu des éditeurs fous alliés. Ah, on a senti. Alcoolique, dingue. Les bourrés à partir de 18h. Parce que c'est un boulot fabuleux lorsqu'on a affaire à des vrais dingues. Lorsque j'ai rencontré mon éditeur actuel, j'étais au téléphone. On embrasse Jean-Paul. Avec lui, Jean-Paul Hotoven. J'étais avec lui au téléphone sur le boulevard Saint-Germain. Il me dit : je suis obligé de raccrocher. Je suis au Chili, sur une piste de ski, et ma fiancée m'attend en bas. Je raccroche. Ah. Je fais 100 mètres et je le vois traverser le boulevard Saint-Germain. Il fonce vers moi. Et il me dit : mon cher Alexandre, si tu as plus foi en tes yeux qu'en ma parole, nous ne pourrons plus avoir le rapport de confiance. Je suis devenu son auteur. Quelle belle conclusion. Merci Alexandre Jardin. Allez, laissez-nous faire. On a déjà commencé le manifeste pour les feuseux. C'est par livre de poche, c'est pocket. Et puis on rappelle bleublanzèbre.fr. Devenez zèbre. Faites des choses. Allez, le mot de la fin, on le laisse aux experts qui savent si bien d'où viennent tous nos problèmes. Ouais, c'est sûr qu'au midi, c'est un peu vachement la faute à la société. Tu vois. Sure.